force de voir toute cette violence, on a plus de couleur dans la rétine. Chez moi la police arrête pas les violeurs, parce qu'ils ont peur du sous-effectif. Si tu veux parler, t'en paies le prix. Si tu réussis, tu fais le tri. Je viens d'un endroit où c'est tout plein, où y'a pas de montagne. Où si tu cherches bien, tu vas trouver du travail. Mais y'a pas de contrat. J'étais gamin, je pensais que dans ma famille, y'avait pas de secret. Dans ma maison, y'avait pas de problème. Y'a pas de famille où y'a pas de secret. Je marche avec des fantômes dans le cœur, avec des démons dans la tête. Avant je voulais qu'ils me parlent plus, aujourd'hui je veux plus que ça s'arrête. On comprend, on vit avec, la douleur est par pas et s'adoucit. Je vais tourner la Clio en rond sur le parking, comme si j'allais trouver un raccourci. Ça va pas nous consoler les sommes. J'ouvre jamais ma boîte aux lettres à cause des souvenirs de l'aide de relance de France Télécom. Des mois où on s'en sort de peau. À peine je remange le gratin de pâte de la veille. Je vous laisse les trucs étoilés, je suis dehors, je fais des images avec les nuages dans le ciel. Rappelle-toi que même si c'est pas simple, t'avances chaque jour un peu plus. T'as vu les plaies et les balafres, se referme chaque jour un peu plus. C'est marrant depuis que t'es parti, je t'aime chaque jour un peu plus. Chaque jour un peu plus, chaque jour un peu plus. Rappelle-toi même si c'est pas simple, t'avances chaque jour un peu plus. T'as vu les plaies et les balafres, se referme chaque jour un peu plus. C'est marrant depuis que t'es parti, je t'aime chaque jour un peu plus. Chaque jour un peu plus, chaque jour un peu plus. Chaque jour un peu plus, des défis en voie, là en veux-tu. J'pense au petit moi en slip de bain, tribord debout sur le plongeoir qui recule. Les problèmes, je les accueille. Le malheur, on l'encule. Mon petit frère à table, il s'en fout tout partout. Ça lui fait une médaille sur le pull. Une drôle d'année en plus, apprendre à vivre sans vous, c'est pas facile. Mais je le fais et je prends tes rides comme quand j't'ai désabonné de vos magazines. T'atteindras l'infini par la cime. L'épice en lit par la racine. Parfois c'est chaque jour un peu plus dur, mais c'est jamais impossible. Rappelle-toi même si c'est pas simple, t'avances chaque jour un peu plus. T'as vu les plaies et les balafres, se referme chaque jour un peu plus. C'est marrant depuis que t'es parti, je t'aime chaque jour un peu plus. Chaque jour un peu plus, chaque jour un peu plus.